Trédi prit la parole. « Je vois clairement que tu veux savoir même les choses qui nous semblent peu honorables à raconter, mais le secret est une obligation pour toi comme pour nous. » Octor roulait dans son char attelé de bouc, et celui des As, auquel on a donné le nom de Locke, était avec lui. Vers le soir, ils arrivèrent chez un paysan qui leur accorda l'hospitalité. Thor prit ses boucs, les tua, les fit dépouiller et mettre dans une marmite. Quand ils furent cuits, Thor se mit à souper avec ses compagnons, en invitant le paysan, sa femme et leurs enfants à prendre leur part de ce repas. Le fils du paysan se nommait Thialf et sa fille Ruska. Thor plaça la peau des boucs auprès du feu, en ordonnant à ses convives de jeter les os sur ses peaux. Thialf tenait à la main l'os de la cuisse de l'un des boucs. Il le cassa avec son couteau pour en tirer la moelle. Thor passa la nuit dans cet endroit. Il se leva de bonne heure le lendemain, s'habilla, prit le marteau Mjolnir et le leva au-dessus de la peau des boucs. Aussitôt, ces animaux se redressèrent, mais l'un d'eux boitait d'une jambe de derrière. Thor s'en aperçut et dit que le paysan ou quelques-uns des siens avaient manqué de soin à l'égard des os de ces boucs, puisque l'un d'eux avait la cuisse cassée. Je n'ai pas besoin de dire, car tout le monde le devinera, combien le paysan fut effrayé lorsqu'il vit les sourcils de Thor se froncer. Il se consola un peu en pensant qu'il serait la seule victime de sa colère. Thor serra les mains si fortement autour du manche de son marteau que les nœuds de ses doigts en blanchirent. Le paysan et tous les gens de sa maison se comportèrent comme on pouvait s'y attendre. Ils crièrent tous horriblement en demandant grâce et offrirent en indemnité tout ce qu'ils possédaient. Mais lorsque Thor vit leur effroi, sa colère disparut. Il se contenta de prendre, comme un gage de réconciliation, Thialf et Ruska, qui devinrent ses serviteurs. Ils l'ont suivi partout depuis lors. Thor laissa ses boucs en cet endroit et commença son expédition contre Jotunheim, à l'Orient, vers la mer. Après avoir traversé cette dernière à la nage, il prit terre avec Locke, Thialf et Ruska. Quand ils eurent marché un peu de temps, ils atteignirent une grande forêt où ils errèrent toute la journée jusqu'à ce qu'il fît nuit. Thialf était un excellent marcheur et portait le sac aux vivres, mais on ne pouvait trouver de gîte. Lorsque l'obscurité fut complète, ils finirent par découvrir une maison très spacieuse. À l'une de ses extrémités était une entrée aussi large que la maison. Les voyageurs s'y établirent pour la nuit. Mais à minuit, ils s'aperçurent qu'un violent tremblement de terre ébranlait le sol et la maison. Alors Thor se leva et appela ses compagnons. Ils s'avancèrent en tâtonnant et trouvèrent au milieu de la maison, à droite, un corps de bâtiment dans lequel ils entrèrent. Thor s'assit à la porte. Les autres étaient assis plus avant et avaient bien peur. Thor tenait le manche de son marteau pour se défendre. Ils entendirent beaucoup de bruit et de fracas. Lorsque le jour commença à poindre, Thor sortit et vit un homme couché dans la forêt. Cet homme était grand, il dormait et ronflait très fort. Le dieu comprit alors la cause du bruit qu'on avait entendu pendant la nuit et serra autour de lui le ceinturon qui doublait sa force divine. Au même instant, cet homme s'éveilla et se leva de suite. On raconte que cette fois, Thor fut surpris et n'osa point frapper avec son marteau. Il se contenta de demander à cet homme comment on l'appelait. Celui-ci prit le nom de Skrymr et ajouta « Je n'ai pas besoin de m'informer de ton nom, tu es Asa Thor. Mais qu'as-tu fait de mon gant ?» Skrymr se baissa pour ramasser son gant et Thor vit que c'était la maison où il avait passé la nuit. Le bâtiment extérieur était le pouce du gant. Skrymr demanda à Thor s'il voulait l'admettre dans sa compagnie. Ce dernier y consentit. Le géant ouvrit alors son bissac et se disposa à déjeuner. Thor et ses compagnons firent de même. Skrymr proposa ensuite de mettre les provisions de voyage en commun. Et le tout fut enfermé dans un sac qu'il prit sur le dos. Skrymr marchait le premier et faisait de grands pas. Le soir, il chercha un gîte sous un immense chêne et dit à Thor Je vais dormir, prenez le bissac et soupez. » Après quoi, Screamer s'endormit et ronfla fortement. Thor, ayant pris le bissac, voulut l'ouvrir. Et, chose incroyable, il ne put en défaire un seul nœud. Pas un des bouts de ruban ne voulut céder. Quand Thor vit qu'il lui était impossible d'ouvrir le bissac, la colère s'empara de lui. Il saisit son marteau, fit un pas vers la place où Screamer dormait et le frappa à la tête. Le géant se réveilla et demanda si une feuille d'arbre était tombée sur sa figure, si ses compagnons avaient soupé et s'ils étaient prêts à se coucher. Thor répondit qu'ils allaient se livrer au repos. En effet, ils se placèrent sous un autre chêne, et je suis forcé d'avouer qu'ils ne s'endormirent pas sans crainte. Vers minuit, Thor entendit Screamer ronfler avec une telle force que la forêt en retentit. Alors il se leva, s'approcha de lui, leva promptement son marteau et le frappa au milieu du crâne. Le marteau lui parut profondément enfoncé dans la tête de Screamer, qui s'éveilla et dit « Un gland serait-il tombé sur ma figure? Y a-t-il du nouveau, Thor ?» Thor recula vivement et répondit qu'il venait de s'éveiller, qu'il était minuit et encore temps de dormir. Thor pensa que s'il pouvait donner un troisième coup, le géant ne reverrait jamais le jour. Il attendit donc le moment où Screamer serait de nouveau endormi. Un peu avant le jour, il reconnut que le géant dormait profondément. Il se leva, marcha vers lui et le frappa à la tempe avec tant de force que le marteau enfonça jusqu'au manche. Screamer se leva, passa la main sur sa joue et dit « Des oiseaux se seraient-ils perchés dans ce chêne au-dessus de moi ? Il m'a semblé que la fiente était tombée des arbres. Ou bien te serais-tu réveillé, Thor ? Il est temps de se lever et de s'habiller, quoique nous ne soyons pas fort éloignés du château d'Utgord. Vous avez dit entre vous que je ne vous paraissais point de petite taille, mais vous verrez des hommes bien autrement grands que moi si vous arrivez à Utgord. Je veux vous donner de bons conseils à ce sujet. Ayez de l'humilité, car les courtisans de Locke d'Utgord n'endureront pas l'orgueil de jouvenceau de votre sorte. Si vous ne voulez point profiter de mes avis, retournez sur vos pas, c'est ce que vous aurez de mieux à faire. Mais si vous voulez continuer votre voyage, tirez à l'Orient. Je vais au nord, vers les montagnes que vous voyez. » Screamer prit ensuite le bissac sur son dos et entra dans la forêt. On ignore si les Ases désirèrent de le revoir sain et sauf. Thor continua de marcher avec ses compagnons jusqu'à midi. Ils découvrirent alors dans une grande plaine un château si élevé qu'on en distinguait à peine le faîte et s'avancèrent de ce côté. Une grille fermée entourait le château. Thor s'approcha de cette grille, mais il ne put l'ouvrir. C'est pourquoi il fut obligé, ainsi que ses compagnons, de se glisser entre les barreaux pour pénétrer dans le château. Ayant trouvé la porte ouverte, ils entrèrent et virent un grand nombre d'hommes, dont la plupart étaient d'une taille très élevée, assis sur des bancs. Les voyageurs se présentèrent ensuite devant le roi Locke d'Utgord et le saluèrent. À peine s'il daigna leur accorder un regard, il dit en souriant « Quand les nouvelles viennent de loin, il est difficile de les avoir véridiques. Suis-je abusé par une vision en prenant cet enfant pour Hoc-Thor ? Tu es peut-être plus grand que tu ne le parais. Compagnons, à quels exploits êtes-vous préparés pour être souffert parmi nous ? Il faut se distinguer dans un art ou une science quelconque. » Celui des compagnons de Thor qui était entré le dernier, c'est-à-dire Locke, répondit « Je possède un talent dont je puis donner des preuves à l'instant. Pas un de vous ne mange aussi vite que moi. » Locke d'Utgard répliqua « C'est en effet un talent. Nous allons le mettre à l'essai. » Il appela alors Log, l'un des hommes assis sur le banc, et le chargea de rivaliser avec Locke. On plaça au centre de la salle une auge remplie de viande. Locke s'assit à l'une des extrémités et Log à l'autre. Ils mangèrent tous deux à qui mieux et se rencontrèrent au milieu de l'auge. Locke avait mangé toute la viande de son côté, Mais Log avait mangé la viande, les os et l'auge. Tous les spectateurs s'accordèrent à dire que Log avait perdu la partie. Alors, Log d'Utgard demanda « Que sait faire ce jeune homme ?» Thialf répondit « J'essaierai de lutter à la course avec telle personne que vous désignerez. » Log d'Utgard dit « C'est bon, tu dois être fort habile à la course pour oser entreprendre une pareille lutte. Nous allons te mettre à l'épreuve de suite. » Log d'Utgard se leva et sortit. La grande plaine était très favorable pour la course. Log d'Utgard appela un jeune homme nommé Hug et lui dit de lutter avec Thialf. Les deux concurrents firent un premier tour, mais Hug prit tellement d'avance qu'arrivé au but, il se tourna vers Thialf. Log d'Utgard dit « Il faut t'allonger davantage, Thialf, si tu veux gagner la partie. Cependant, je dirai à ta louange que nous n'avons encore vu personne ici plus agile que toi. » On désigna un autre but, mais lorsque Hug y fut arrivé, Thialf était encore à une longue portée de flèche en arrière. Log d'Utgard dit « Vous courez bien tous les deux. Je doute pourtant que Thialf gagne la partie. C'est ce que nous montrera la troisième course. » On choisit un nouveau but, mais lorsque Hug l'eut atteint, Thialf n'était pas à la moitié de la lice. Tous les spectateurs dirent unanimement que ces épreuves étaient suffisantes. Alors, Log d'Utgard demanda à Thor par quels exploits il se proposait de soutenir sa renommée et la célébrité de ses grands travaux. Thor répondit qu'il préférait lutter à qui boirait le mieux. Log d'Utgard y consentit. Il rentra au château, appela son échanson et lui ordonna d'apporter la coupe dont les courtisans avaient coutume de se servir. L'échanson obéit à l'instant et remit la coupe à Thor. Log d'Utgard dit alors « Vider cette coupe d'un trait, c'est ce que nous appelons bien boire. Quelques-uns la vident en deux coups, mais aucun de nous n'est assez mauvais buveur pour ne point la vider en trois. » Thor regarda la coupe et ne la trouva pas trop grande, quoique passablement longue de pied. Ayant soif, il l'approcha de sa bouche et but beaucoup, pensant qu'il la viderait. À la fin, n'en pouvant plus, il ôta la coupe de ses lèvres et ne fut pas médiocrement surpris en voyant qu'elle était presque aussi pleine qu'auparavant. Log d'Utgard dit « Tu as bien bu, mais pas trop cependant. Jamais je ne me serais figuré qu'Asa Thor ne pourrait boire davantage. Je suis certain que tu videras cette coupe au second trait. » Thor ne répondit pas. Il rapprocha la coupe de sa bouche avec l'intention de la vider et but de toutes ses forces. Mais lorsqu'il la regarda, il lui parut que son contenu avait moins baissé que la première fois. Cependant, on pouvait la porter maintenant sans craindre d'en rien répandre à terre. Log d'Utgard dit « Comment te trouves-tu, Thor ? Ne te ménage pas à présent. Je crois que tu videras la coupe cette fois, mais si tu n'es pas plus habile sous d'autres rapports, tu ne seras pas un grand homme parmi nous comme parmi les Ases. » Thor, en entendant ces paroles, saisit la coupe avec colère, l'approcha de sa bouche et fit d'incroyables efforts pour la vider sans pouvoir y parvenir. Il la rendit et ne voulut pas boire davantage. Le contenu de la coupe avait cependant un peu baissé. Log d'Utgard dit « Nous voyons clairement que ta puissance est bien inférieure à ta renommée. Veux-tu tenter une autre épreuve ?»« J'y consens, » répliqua Thor. « Mais la manière dont je viens de boire n'aurait point mérité le mépris chez les Ases. Quelle épreuve me proposez-vous » Log d'Utgard dit « Quelques jeunes gens pensent qu'il serait digne de toi de chercher à enlever mon chat de terre. Je n'aurais pas osé faire cette proposition à Asa Thor si je n'avais pas reconnu combien son habileté est inférieure à sa renommée. » Dans ce moment, un chat gris, extraordinairement grand, accourut. Thor s'avança, le prit par-dessous le ventre et le souleva. Mais à mesure qu'il levait la main, le chat arrondissait le dos et le résultat de tous ses efforts fut de faire lever un peu l'une de ses pattes. Thor perdit donc encore cette partie. Locke d'Utgard reprit. Cette épreuve s'est terminée comme je m'y attendais. Mon chat est très grand et Thor est petit en comparaison des hommes qui sont ici. Thor dit alors, malgré ce que vous appelez ma petitesse, j'invite l'un de vous à lutter avec moi, car je suis en colère maintenant. Locke d'Utgard répondit en se tournant vers le banc. Toutes les personnes que je vois ici regarderaient comme un badinage de lutter avec toi. Puis il ajouta, faisons appeler la vieille Hélé, ma nourrice. Thor essaiera ses forces contre cette femme s'il le veut. Hélé a vaincu des hommes qui paraissaient plus vigoureux que lui. Une vieille femme entra dans la salle et Locke d'Utgard lui dit de lutter avec Asa Thor. Plus celui-ci faisait d'efforts, plus Hélé tenait ferme, et aussitôt qu'elle commença à donner des crocs en jambes, Thor chancela, et de rudes secousses s'ensuivirent. Il ne tarda point à tomber sur un genou. Locke d'Utgard s'avança en invitant les combattants à cesser leur lutte, et il ajouta que Thor renonçait sans doute à mesurer ses forces avec d'autres personnes de la cour. La nuit approchait. Locke d'Utgard désigna des gîtes pour Thor et ses compagnons. Ils y restèrent jusqu'au lendemain et furent bien traités. Le matin suivant, dès que le jour parut, Thor et ses compagnons se levèrent. Ils s'habillèrent et se disposèrent à se retirer de suite. Locke d'Utgard survint alors, fit avancer une table bien garnie de vivres et de boissons. Au moment de se séparer de Thor, il lui demanda ce qu'il pensait de son voyage, et s'il reconnaissait qu'il avait trouvé quelqu'un de plus fort que lui. Thor répondit, « Je ne puis rien dire, sinon que mon expédition m'a valu beaucoup de honte. Vous allez me traiter en homme sans considération, ce qui me cause un grand dépit. » Locke d'Utgard répondit, « Je te dirai la vérité maintenant que tu es sorti de mon château, où tu ne rentreras jamais si cela dépend de moi, et où tu ne serais jamais venu si j'avais su combien tu es fort et puissant. Tu as manqué de nous plonger dans un grand malheur. Toutes tes aventures de ces jours passés n'ont été que des visions produites par mon art. Le géant que tu as rencontré dans la forêt, c'était moi. Lorsque tu voulus dénouer la corde du Bissac, c'était un cercle de fer auquel j'avais donné cette forme. C'est pourquoi tu n'as pu l'ouvrir. Tu m'as frappé ensuite de 3 coups de marteau. Le premier fut le plus faible. Cependant, il m'aurait tué si j'avais été atteint. Tu as vu près de mon château un rocher dans lequel il y a 3 trous carrés, dont l'un est extrêmement profond. Ce sont les marques de ton marteau. Je rendis ce rocher invisible et le plaçai entre moi et tes coups. Il en a été de même pour les épreuves que vous avez subies, toi et tes compagnons. Voici comment la chose s'est passée pour Locke. Ayant très faim, il mangea avec vivacité. Mais son adversaire était le feu qui dévora l'auge et la viande. Hug, avec lequel Kjalf a lutté, était ma pensée. Il était donc impossible de la vaincre à la course. Quand il te sembla que la coupe ne se vidait point, tu venais d'opérer un prodige dont je ne m'attendais pas à être témoin. Le fond de la coupe était dans la mer, ce dont tu ne t'aperçus pas. Quand tu t'approcheras de l'océan, tu verras combien il a diminué. Tu as produit ainsi la marée. Je ne fus pas moins étonné quand tu soulevas mon chat. Et en vérité, nous fûmes tous fort effrayés lorsque l'une des pattes de cet animal abandonna le plancher. Ce n'était pas un chat que tu soulevais, mais le serpent de Midgard, dont le corps entoure la terre. À peine s'il fut assez long pour tenir à la terre par sa tête et sa queue, et tu le soulevas à une telle hauteur qu'il touchait presque au ciel. Tu opéras encore un grand prodige en luttant contre Hélé, la vieillesse. Jamais elle n'a été, jamais elle ne sera vaincue par les personnes qui atteignent un âge avancé. Il nous faut nous séparer maintenant, dans notre intérêt à tous deux. Je te conseille de ne plus venir chez moi, Mais si tu voulais encore tenter cette aventure, je défendrais mon château par les artifices, et tu ne pourrais rien contre moi. » Lorsque Thor entendit ce discours, il saisit son marteau, le souleva, mais au moment de frapper, il ne vit plus Loke d'Utgard. Il retourna alors vers le château, bien décidé à le détruire. Il était remplacé par de belles et vastes plaines. Thor retourna donc à Trudvang et se proposa, durant ce voyage, d'essayer s'il ne pourrait point mettre la main sur le serpent de Midgard, ce qui arriva plus tard. Personne ne pourra te raconter plus véridiquement que je ne l'ai fait ce voyage de Thor. Gangler dit « Loke d'Utgard doit être un homme très puissant et fort occupé de vision et de magie. Les courtisans si puissants qu'il possède augmentent beaucoup la considération dont il jouit. Mais Thor ne s'est-il jamais vengé de son aventure ?» Har répondit « Les plus ignorants savent combien il s'est indemnisé des humiliations qu'il avait éprouvées. Il ne resta pas longtemps au logis et partit avec tant de hâte qu'il ne fut accompagné ni par ses boucs ni par ses compagnons. Il enjamba Midgard sous la forme d'un jeune homme et arriva un soir chez le géant Hymer, où il passa la nuit. Hymer se leva à la pointe du jour, s'habilla et se disposa à ramer sur la mer avec l'intention de pêcher. Thor se leva également, s'habilla bien vite et demanda au géant la permission de l'accompagner. Hymer répondit qu'un homme petit et jeune comme lui ne pouvait être d'aucune utilité et ajouta « Tu seras gelé si je rame aussi loin et si mon absence se prolonge autant que de coutume. » Thor répliqua qu'il savait ramer sur mer et n'était pas certain lequel de Hymer ou de lui manifesterait le premier l'envie de retourner à terre. Sa colère s'enflamma en même temps contre le géant, et peu s'en fallut qu'il ne lui fît à l'instant goûter son marteau. Mais il se contint, voulant mettre ses forces à l'épreuve d'une autre manière. Thor demanda ensuite à Hymer où était leur appât pour la pêche. Le géant lui dit d'en chercher. Thor alla donc vers un troupeau de bœufs qui appartenait à Hymer, choisit le plus beau, qui se nommait Himinbrjotr, lui arracha la tête et l'emporta vers le rivage. Hymer avait déjà poussé la barque dans l'eau. Thor y entra, s'assit sur le banc d'arrière, prit deux rames et rama avec tant de force que Hymer trouva qu'on faisait bonne route. Le géant ramait aussi sur l'avant. La barque avançait donc très vite. Hymer annonça qu'ils étaient arrivés dans l'endroit où il avait l'habitude de pêcher. Mais Thor répondit qu'il avait envie de ramer beaucoup plus longtemps, et ils firent encore un bout de chemin. Alors, Hymer dit qu'il s'était tellement avancé qu'on ne pouvait s'arrêter en cet endroit à cause du serpent de Midgard. Thor voulut ramer encore un peu de temps, ce qui déplut à Hymer. Thor leva enfin les rames, prépara une ligne très forte et pourvue d'un hameçon analogue. Il y attacha la tête de bœuf, la jeta dans la mer. Elle alla au fond. Assurément, le serpent de Midgard ne fut pas moins attrapé cette fois que Thor ne l'avait été chez Loke de Utgard. Il ouvrit la gueule pour saisir la tête de bœuf, et l'hameçon lui entra dans la mâchoire. Lorsque le serpent s'en aperçut, il tira si vivement que les deux poings de Thor se heurtèrent contre le bord du bateau. Thor se mit alors en colère, prit sa force divine et appuya ses pieds si fortement contre la barque que ses deux jambes passèrent à travers et s'arrêtèrent au fond de la mer. Il tira ensuite le serpent sur le bord. C'était un spectacle effrayant de voir les yeux de Thor s'agrandir en regardant le serpent et celui-ci lancer son venin. On dit que le géant Hymer changea de couleur et pâlit d'effroi lorsqu'il vit le serpent et l'eau pénétrer dans le bateau. Mais au moment où Thor prit son marteau et le leva pour frapper, Hymer saisit son couteau et coupa la ligne. Le serpent plongea donc de nouveau dans la mer. Thor lança, il est vrai, son marteau après lui, et l'on raconte qu'il l'atteignit à la tête. Mais il est probable que le serpent vit encore. Thor, après avoir donné un coup de poing au géant, qui tomba à la renverse par-dessus le bord et les jambes en l'air, revint à gué vers le continent. Gangler demanda « Y a-t-il encore d'autres choses remarquables à raconter au sujet des As ? Thor a fait un magnifique exploit durant ce voyage. » Har répondit « Je pourrais assurément te dire beaucoup de choses bien plus importantes pour les As. » Voici le commencement de ses relations. Balder le Bon avait des rêves pénibles. Il lui annonçait que sa vie était en danger. Lorsqu'il les raconta aux As, ceux-ci délibérèrent entre eux et résolurent de demander en faveur de Balder des garanties contre tout danger. Frigg fit prêter serment au feu, à l'eau, au fer, à toute espèce de métaux, aux pierres, à la terre, aux arbres, aux maladies, aux animaux, aux oiseaux, à tous les poissons et aux serpents, de ne faire aucun mal à Balder. Ces précautions ayant été prises à la connaissance de tous, les As imaginèrent, pour s'amuser, de placer Balder au milieu de l'assemblée, de tirer des flèches contre lui, de le frapper, de lui lancer des pierres. Mais rien ne lui faisait mal, ce qui fut trouvé fort honorable pour lui. Quand Locke, fils de Leuf, vit ceci, il en éprouva du chagrin et se rendit auprès de Frigg à Fensal sous la forme d'une femme. Frigg demanda à cette femme si elle savait à quoi les As s'occupaient dans leur assemblée. « Tous attaquent Balder, » dit cette femme, « mais rien ne lui fait mal. » Alors Frigg répliqua « Ni les armes, ni les plantes ne peuvent lui nuire, car j'ai fait prêter serment à toutes choses. » La femme demanda « Toutes les choses créées ont-elles juré d'épargner Balder ?» Frigg répondit « À l'orient de Valhall est une bouture appelée Mistelten. Elle m'a paru trop jeune pour lui faire prêter serment. » La femme se retira. Mais Locke déracina Mistelten et se rendit à l'assemblée. Höder se tenait à l'extrémité du cercle, parce qu'il était aveugle. Locke lui dit « Pourquoi n'exerces-tu pas ton adresse contre Balder ?» Höder répondit « Je n'y vois pas et je n'ai point d'armes. » Locke reprit « Tu devrais cependant contribuer comme les autres à la gloire de Balder. Je vais t'indiquer où il est. » Puis tu lanceras ce bâton contre lui. » Höder prit Mistelten et le lança dans la direction indiquée par Locke. Balder fut traversé et tomba à terre sans vie. Ce malheur est le plus grand qui soit arrivé aux dieux et aux hommes. Lorsque Balder tomba, les As restèrent muets et perdirent toute contenance, de sorte qu'ils ne songèrent point à relever le corps. Ils se regardaient les uns les autres, tous respiraient la vengeance contre l'auteur de cette infortune. Mais il n'était permis à personne de se livrer à ce sentiment à cause de la sainteté du lieu. Lorsque les As revinrent à eux-mêmes, leurs sanglots éclatèrent avec tant de violence qu'ils ne purent exprimer autrement leur douleur. Odin fut bien plus affecté qu'eux encore de ce malheur, car il appréciait parfaitement tout le dommage que les As éprouveraient de la mort de Balder. Quand les dieux furent un peu remis de leur émotion, Frigg demanda lequel des As voudrait acquérir sa bienveillance en se rendant à cheval dans le monde inférieur pour chercher Balder et offrir à Hel une rançon, afin qu'elle lui permît de revenir à Asgard. Hermod, le courageux, fils d'Odin, se chargea de cette commission. On fit avancer Sleipner, le cheval d'Alfader. Hermod y monta et s'éloigna rapidement. Les As prirent le corps de Balder et le portèrent sur le rivage de la mer. Le navire de ce dieu se nommait Ringhorn. C'était le plus grand de tous les vaisseaux. Les dieux essayèrent de le pousser à la mer pour brûler le corps dessus, mais Ringhorn ne voulait pas bouger de sa place. On envoya donc un messager à Jötunheim pour chercher la géante Hyrokken. Elle vint monter sur un loup et avait des vipères pour bride. Lorsqu'elle descendit de sa monture, Odin chargea quatre preux du nord de garder ce loup, mais ils ne purent en venir à bout qu'en le couchant à terre. Hyrrokken s'approcha du navire. Un seul effort lui suffit pour le lancer à la mer. Et cela avec une telle vigueur que les roulettes placées dessous firent feu et toute la terre trembla. À cette vue, la colère s'empara de Thor. Il saisit son marteau et brisa la tête de Hyrrokken avant que les dieux eussent eu le temps d'intercéder en sa faveur. On porta ensuite le corps de Balder sur le vaisseau. Quand sa femme, Nanna, fille de Nep, vit ses apprêts, elle en éprouva tant de douleur que son cœur se brisa. Son corps fut placé sur le bûcher à côté de celui de Balder. Thor, debout près du bûcher, le bénit avec son marteau, et un nain appelé Lit, gambadant devant lui, il le lança d'un coup de pied dans le bûcher, de sorte que ce nain fut brûlé aussi. Toutes sortes d'individus assistèrent aux funérailles de Balder. On y vit Odin et ses corbeaux, Frigg et les Valkyries. Frey était dans un char auquel on avait attelé le porc appelé Gyllenborst, ou Sligdrugtan. Heimdall montait Gulltop, et Freya était dans son char attelé de chats. Des Rimthursars, des géants de montagne, et une foule d'autres personnes se pressèrent autour du bûcher. Odin y jeta l'anneau Draupner. Depuis lors, toutes les neuvièmes nuits, 8 anneaux du même poids tombent de Draupner. Le cheval de Balder et tout son équipement furent aussi placés sur le bûcher. Voici ce qu'on raconte du voyage de Hermod. Il chevaucha durant 9 nuits et 9 jours dans des vallées sombres et profondes. Il ne vit la lumière qu'en arrivant auprès d'une rivière appelée Gyal et en passant sur le pont Gyalar, qui est pavé d'or luisant. Modgun, la vierge chargée de la garde de ce pont, demanda à Hermod quel était son nom, sa naissance, et ajouta que le jour précédent, 5 bandes d'hommes morts avaient passé sur Gyalar. « Mais tu fais, ajouta-t-elle, autant de bruit à toi seul que tous ensemble. Tu n'as point la couleur des morts. Comment se fait-il que tu suives la même route ?» Hermod répliqua, « Je me rends chez elle pour chercher Balder. Ne l'aurais-tu point vu dans ses environs ?» Modgun lui dit que Balder avait passé à cheval sur Gyalar, mais que la route conduisant chez elle était plus basse et plus au nord. Hermod continua d'avancer et atteignit enfin la clôture du domaine de Hel. Alors il descendit de cheval, serra davantage la sangle, se remit en selle et donna de l'éperon à sa monture. Sleipner s'élança avec tant de vigueur qu'il passa de beaucoup par-dessus la clôture. Hermod chevaucha ensuite vers le palais, descendit de cheval et vit son frère Balder assis à la première place. Hermod passa la nuit dans ce lieu. Le lendemain matin, il demanda à Hel la permission d'emmener Balder et lui peignit la douleur qui régnait parmi les Ases. Hel répondit, « Nous allons voir maintenant si Balder est aussi aimé qu'on le prétend. Si toute chose, tant vivante que morte, le pleure, il lui sera permis de retourner chez les Ases. Mais si quelqu'un s'excuse et refuse de pleurer, il restera avec moi. » Hermod se leva pour partir. Balder l'accompagna hors du palais et envoya comme souvenir à Odin l'anneau Draupner. Nanna y joignit pour Frigg quelques bijoux et un anneau d'or pour Fula. Hermod retourna à Asgard où il raconta tout ce qu'il avait vu et entendu. Les Ases envoyèrent des messagers partout en invitant chacun à pleurer afin de racheter Balder de la puissance de Hel. Les hommes, les animaux, la terre, les pierres, les arbres pleurèrent Balder. Les métaux firent de même. Tu as dû les voir pleurer quand ils passent du froid au chaud. Les messagers, après avoir rempli leur commission, retournaient chez eux lorsqu'ils rencontrèrent dans une grotte une géante appelée Tuk. Ils la prièrent de pleurer pour tirer Balder du pouvoir de Hel, mais la géante répondit « Tek pleure la mort de Balder avec des yeux secs. Cette ase ne m'a causé de joie ni durant sa vie, ni par sa mort, que Hel garde sa proie. » Il est facile de deviner que Tuk était Lok, fils de Lefeu, qui a occasionné tant de maux aux ases. Gangler dit « Cette action de Locke est très mauvaise. Il cause d'abord la mort de Balder, puis il empêche sa délivrance. N'a-t-il pas été puni de ce méfait ?» Har répondit « Sans doute. Et il l'a payé d'une manière qui ne s'effacera de longtemps de sa mémoire. » Quand Locke vit les dieux fort irrités contre lui, il s'enfuit et se cacha dans une crevasse de rocher où il bâtit une maison avec quatre portes afin de voir de tous côtés ce qui se passait. Souvent, pendant le jour, il prenait la forme d'un saumon et se cachait dans la chute d'eau de Franangr où il cherchait à deviner la ruse que les Ases pourraient employer pour le prendre dans cet endroit. Une fois étant dans sa maison, il prit du lin et du fil, en fabriqua un filet comme on a appris depuis à les faire. Le feu brûlait devant lui. Locke vit dans ce moment que les Ases n'étaient pas loin. Odin avait découvert de Lidskialf l'endroit où il se tenait caché. Locke se leva de suite et courut vers la chute d'eau, après avoir eu la précaution de jeter le filet dans le feu. Quand les Ases arrivèrent auprès de la maison, Kvaser, le plus sage des dieux, entra le premier. En voyant le filet, il comprit que ce devait être un instrument de pêche et le fit remarquer aux Ases. Ils prirent donc du lin, du fil, et en firent un filet d'après celui qu'ils virent sur le feu. Leur besogne achevée, ils allèrent vers la rivière et jetèrent le filet dans la chute d'eau. Thor le tenait par un bout et le reste des Ases le tenait par l'autre. Ils tirèrent tous à la fois. Locke s'échappa en glissant entre deux pierres. Le filet passa donc par-dessus lui. Cependant, les Ases remarquèrent qu'il y avait là quelque chose de vivant. Ils allèrent une seconde fois vers la chute d'eau, jetèrent le filet et y attachèrent un objet si pesant que rien ne pouvait s'échapper par-dessous. Locke se retira devant le filet et voyant que l'embouchure de la rivière était proche, il rentra dans la chute d'eau en sautant par-dessus le filet. Les Ases surent donc de quel côté Locke avait dirigé sa course. Ils remontèrent une seconde fois vers la cascade, se partagèrent en deux bandes, Thor marchait dans le fleuve, et s'avancèrent ainsi du côté de la mer. Locke ne vit plus que deux moyens d'échapper à ce danger, soit en se jetant dans la mer au risque d'y périr, soit en essayant de sauter une seconde fois par-dessus le filet. Il se décida pour ce dernier moyen, mais Thor tendit la main pour le saisir, le prit, et comme ce saumon glissait entre ses doigts, il ne put le bien tenir que par la queue. C'est pourquoi cette espèce de poisson a la queue pointue. Locke fut donc pris sans aucune condition. Les Ases le menèrent dans une grotte, où ils dressèrent trois dalles dans lesquelles ils firent trois trous. Ensuite, ils prirent les fils de Locke, Val et Nar ou Narv, donnèrent à Val la forme d'un loup, après quoi il déchira son frère Narv, dont les intestins servirent aux Ases pour attacher Locke au-dessus des trois dalles. L'une d'elles était sous ses épaules, la seconde sous ses reins, et la troisième sous ses genoux. Les liens se sont transformés en fer. Skad suspendit au-dessus un serpent venimeux dont le venin tombe goutte à goutte sur le visage de Locke. Ziggin, sa femme, est assise auprès de lui et tient un bassin sous le serpent. Quand le bassin est plein, elle le vide. Le venin tombe dans l'intervalle sur la figure de Locke, ce qui l'agite tellement que la terre entière tremble. C'est ce que les hommes appellent un tremblement de terre. Locke restera attaché jusqu'à Ragnar Röcker. Alors Gangler demanda « Que raconte-t-on sur Ragnar Röcker ? Je n'en ai pas entendu parler auparavant. » Har répondit « On rapporte à ce sujet beaucoup de choses fort importantes. Il y aura d'abord un hiver, appelé hiver de Fimbul. La neige tombera dans toutes les directions. » Une gelée très rigoureuse et des vents piquants feront disparaître la chaleur du soleil. Cet hiver se composera de trois hivers pareils, qui se succéderont sans été. Mais auparavant, il y aura trois hivers durant lesquels le monde entier sera livré à la guerre et le sang répandu avec une extrême abondance. Les frères se tueront par avarice, et il n'y aura pas même de ménagement entre les pères et leurs enfants. Voilà dit. Les frères combattront l'un contre l'autre et se tueront. Les neveux et les nièces oublieront les liens du sang. Les temps seront durs. Il y aura un âge de hache, un âge de glaive. Les boucliers seront fendus. Il y aura un âge de tempête, un âge de meurtre, avant que le monde finisse. Alors, pour le malheur des hommes, le loup qui poursuit le soleil l'avalera. Le second loup saisira la lune et causera aussi beaucoup de dommages. Les étoiles tomberont du ciel, la terre tremblera, les arbres seront déracinés, les montagnes crouleront, toutes les chaînes, tous les liens seront rompus, et le loup Fenris sera en liberté. L'océan sortira de ses limites, car le serpent de Midgard sera pris de la rage des géants et tentera de se jeter sur le continent. Le vaisseau Naglfar sera débarrassé de ses entraves. Il est construit avec les ongles des hommes morts, ce qu'il est bon de savoir, car si un homme meurt sans avoir les ongles coupés, il hâte la construction de ce navire. Les dieux et les hommes doivent désirer qu'il ne soit pas achevé de si tôt. Mais dans ce désastre, Naglfar sera à flot. C'est le géant Himmer qui le gouverne. Le loup s'avancera à la gueule béante. Sa mâchoire supérieure touchera au ciel et sa mâchoire inférieure à la terre. Si l'espace ne lui manquait pas, il ouvrirait la gueule encore davantage. Le feu lui sortira par les yeux et les narines. Le serpent de Midgard lancera tant de venin qu'il en infectera l'air et l'océan. Il sera fort redoutable et se tiendra à côté de Fenris. Pendant ce fracas, le ciel se fendra et les fils de Muspel en sortiront à cheval, conduits par Zortur qui est précédé et suivi par un feu dévorant. Son glaive est admirable et brillant comme le soleil. Quand les fils de Muspel passeront sur Bifrost, ce pont croulera, puis ils avanceront dans la plaine de Vigrid, où se rendront aussi le serpent de Midgard et le loup Fenris. Lok s'y trouvera également, ainsi que Rimmer et tous les Rimthursars. Toute la suite de Hel sera avec Lok. Les fils de Muspel ont un ordre de bataille qui leur est particulier. La plaine de Vigrid a 100 000 d'étendue sur chaque face, c'est-à-dire 250 lieues, le mille suédois valant 2 lieues et demie. Quand ceci arrivera, Heimdall se lèvera et donnera de la trompe de toute sa force. Les dieux se réveilleront et tiendront conseil. Odin sera à cheval auprès du puits de la sagesse pour demander un bon avis à Mimir. Le frêne Yggdrasil tremblera. Tout sera dans l'effroi au ciel et sur la terre. Les Ases et les Einherjars s'armeront et s'avanceront dans la plaine. À leur tête chevauchera Odin avec un casque d'or, sa jolie cotte de maille, et Gugner son javelot. C'est ainsi qu'il marchera contre Fenris. Thor combattra auprès d'Odin sans pouvoir le secourir, car le serpent de Midgard lui donnera de la besogne. Frey luttera contre Zurtur, et il y aura là un rude combat qui se terminera par la mort de Frey, événement qu'il aurait évité s'il n'eût point donné son bon glaive à Skirner. Garm, le chien attaché au banc de rocher de Knipa, brisera aussi sa chaîne. Il occasionnera le plus grand malheur. En combattant avec Tyr, ils se tueront mutuellement. Thor aura la gloire de vaincre le serpent de Midgard, mais à peine se sera-t-il éloigné de 9 pas qu'il tombera mort, empoisonné par le venin que le serpent aura lancé contre lui. Fenris avalera Odin. Vidar se précipitera alors contre ce loup et placera un pied sur sa mâchoire inférieure. Ce pied est chaussé d'un soulier fabriqué avec toutes les lanières de cuir rognées de la pointe et du talon des souliers et réunies de toute antiquité. C'est pourquoi ceux qui veulent venir en aide aux Ases ne doivent pas manquer de jeter ces lanières. D'une main, Vidar saisira la mâchoire supérieure de Fenris et lui déchirera la gueule. Lok combattra contre Heimdall. Ils se tueront tous deux. Zortour lancera ensuite du feu sur la terre et brûlera le monde. Voici ce que dit Vola. Heimdall souffle avec force dans sa trompe, qu'il tient très haute. Odin parle avec Mimr. Le saint frêne Yggdrasil tremble. Cet arbre antique est brisé et le géant Loki est lâché. Qu'arrive-t-il aux As? Qu'arrive-t-il aux Alphes? Tout Jotunheim craque. Les As sont en délibération. Les nains, ces sages habitants des montagnes, reprennent haleine aux portes de pierre. Me comprenez-vous? Rimmer arrive de l'Orient. Son bouclier est devant lui. Le Jormungand est saisi de la rage des géants. Le serpent bat les flots et les aigles crient. Nidfell déchire les cadavres. Naglfar reprend sa liberté. Ce vaisseau vient de l'Orient. Les fils de Muspel viendront par mer. Lofi dirige leur navire. Tous les enfants de la folie sont à bord. Le frère de Bileist est avec eux. Zurtur vient du sud avec des torches flamboyantes. Son glaive est éclatant comme le soleil des dieux. Les montagnes de granit craquent. Les géants chancellent. Les hommes prennent la route qui conduit vers Hel. Le ciel se fend. Ilin éprouvera un nouveau chagrin lorsque Odin partira pour combattre le loup et le lumineux vainqueur de Belje pour se mesurer avec Surtur. C'est là que l'époux de Frigg succombera. Le fils d'Odin va combattre le loup. Vidar enfonce avec la main en travers de la route son glaive dans le cœur du fils du géant, cette bête féroce, et son père est vengé. C'est avec peine que l'admirable fils de Lodin échappe au reptile pervers. Quand le serpent de Midgard combat avec rage, tous les hommes disparaissent de la terre. Le soleil s'obscurcira, la terre s'enfoncera dans la mer, les brillantes étoiles tomberont du ciel, la vapeur fermentera et s'élancera du feu flamboyant, la flamme attaquera le ciel lui-même. On trouve encore dans le passage suivant Vigrid et la plaine où se rencontreront Zurtur et les dieux cléments. Elle a 100 000 sur chaque face. C'est là que sera livrée la bataille. Gangler demanda « Qu'arrivera-t-il quand le ciel et la terre seront brûlés, quand tous les dieux, les Einarjars et les hommes auront cessé de vivre? Et cependant, vous m'avez dit que les hommes vivront éternellement quelque part. » Har répondit « Il y a beaucoup de bonnes et de mauvaises habitations. Gimle est la meilleure. Ceux qui aiment à boire un bon coup trouveront facilement à se satisfaire dans une salle appelée Brinner. Elle est aussi dans le ciel. Il y a encore une bonne demeure nommée Zindra. Elle est bâtie en or rouge sur les montagnes de Nida. Les hommes bons et loyaux habiteront le ciel. Sur le rivage des morts est une vaste et affreuse habitation dont les portes sont tournées vers le nord. Mal joint comme un séchoir, ces murs sont composés de dos de serpents tressés, dont toutes les têtes pendent dans l'intérieur de la maison, et ils lancent leur venin, de sorte que le plancher en est inondé. Les parjures et les assassins baignent dans ce venin, comme il est dit ici. Je sais qu'il existe sur le rivage des morts, et bien loin du soleil, un palais dont les portes sont tournées vers le nord. Des gouttes de venin tombent par les lucarnes. Le palais est construit avec des dos de serpents tressés ensemble. Les parjures et les assassins s'y promènent en luttant contre de pesants courants de venin. Mais c'est dans Vergelmer qu'on est le plus mal. Nidhogg y suce le corps des morts. Gangler demanda « Quelques dieux survivront-ils à ce désastre? Y aura-t-il encore une terre et un ciel ?» Har répondit Il sortira de la mer une terre verte et belle, sur laquelle les céréales croîtront sans avoir été semées. Vidar et Val existent encore. Ils n'ont été blessés ni par la mer ni par les flammes de Zurtur, et ils habitent la plaine d'Ida, où était autrefois Asgard. Les fils de Thor, Magne et Mod, les y rejoindront en apportant Mjölnir. Baldr et Höder reviendront aussi de chez Hel. Ces dieux seront assis l'un près de l'autre. Ils s'entretiendront ensemble de ce qui leur est arrivé, des événements d'autrefois, du serpent de Midgard et du loup Fenris. Ils retrouveront dans l'herbe les tablettes d'or possédées par les Ases, comme il est dit ici. Vidar et Val habiteront la maison des dieux quand les flammes de Surtur seront éteintes. Mod et Magne posséderont Mjölnir quand Vingner, Thor, aura cessé de combattre. Mais deux hommes, appelés Lif et Liftrasr, se soustrairont aux flammes de Surtur dans le bois de Hodmimr. Ils se nourriront de la rosée du matin. De ces hommes descendra une famille si nombreuse qu'elle peuplera le monde entier, comme il est dit dans ce passage. Lif et Liftrasr se cacheront dans les bois de Hodmimr. Ils se rassasieront tous les jours avec la rosée du matin. Toutes les races descendront d'eux. Ce qui te surprendra sans doute, c'est d'apprendre que le soleil donnera le jour à une fille aussi belle que lui. Elle le remplacera comme on le dit ici. Le soleil, avant d'être avalé par le loup, donnera le jour à une fille. Quand les dieux seront morts, elle parcourra la carrière de sa mère. Le soleil est féminin en suédois. Je ne pense pas que tu puisses m'adresser d'autres questions. C'est tout ce qu'on m'a raconté sur les destinées de l'univers. Sois content de ceci. » Là-dessus, Gangler entendit un grand bruit de tous côtés. Il se retourna et se trouva entièrement seul. Il ne vit qu'une plaine unie, mais point de palais ni de château. Alors Gangler se retira. Il revint dans son royaume, où il raconta les choses qu'il avait vues et entendues. Ses récits passèrent ensuite de bouche en bouche.